Salut, ah, mes amis, quelle soirée! Vous avez sûrement entendu parler de ce mariage arrangé entre un panda mexicain, caramba, il avait baisé, et une panda japonaise, il avait baisé. Eh ben, ça a donné des idées aux zoologistes anglais. Ils ont demandé à la France de leur prêter Valérie pour s'accoupler avec la reine. Et bien sûr, c'est à moi, Helmut, qu'on a demandé de gérer l'accouplement. Bon, je vous raconte comment ça s'est passé. Oui. Enfin, Helmut, vous aimez bien ce qu'on fait à Londres, oui ou crotte? On va visiter Buckingham Palace, vieux crabe. T'es content? Oui, enfin, je signale tout de même, j'étais président de la République, alors Buckingham, je connais. Ouais, tu t'es lavé ce matin? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces questions? Vous trouvez que je sens mauvais ou quoi? Ben, ça dépend si on aime l'odeur de l'urine ou pas. Vous savez très bien que j'ai des problèmes avec ma sonde quand je prends l'avion, alors n'insistez pas, je vous en prie. Bon, on va pas parler de ta vessie toute la journée non plus. Tu la trouves comment, la vieille? La vieille? La reine, enfin, réveille-toi, bordel, Valérie! Ben écoutez, je trouve que sa majesté dans une forme resplendissante, en plus je... Bon, tu la kiffes alors? Pour dire la vérité, je la kiffe grave sa race. Eh ben c'est tant mieux, parce que tu vas devoir t'accoupler avec! Et vous, tout ça c'est ridicule, allez on rentre à Paris, cette farce sordide a assez duré. Valérie, tu vas faire un effort! Genre de question. Et si je te donne une boîte de pastilles Vichy? Ben là ça change pas mal de choses, pour dire la vérité j'hésite. Des pastilles Vichy plus une copie du film porno de Marthe Villalonga! Lequel? Poi poi, prends-moi le couscous Enrico. Alors là, je dis c'est vendu. Eh ben c'est parti. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la chambre d'Elisabeth II. Il était chaud le Valérie, je l'avais jamais vu comme ça. Alors histoire d'être sûr, je m'étais planqué sous le lit. Hello Queenie, you remember me, I was Valérie, président de France. Vas-y, parle-lui de trucs plus sensuels. Do you like my robe de chambre léopard? Mais putain, sois plus chaud bordel Valérie, plus chaud. Fais-la rêver. Ouh, I'm going to make love to you like an animal, ouh. C'est bien, continue, continue. Chante-lui des trucs dégueulasses, du Britney Spears. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. Yes, elle va craquer la loutre, continue. Et bien sûr, elle a craqué, vous pensez bien. Elle a arraché sa nuisette en hermine. Elle a frotté son corps avec une tranche de pudding. Elle a chopé le Valérie, elle l'a ravagé comme une croate épileptique. Ah, c'était tellement chaud qu'ils ont pété une latte du pieu, je me la suis prise sur la gueule. Ah, je vous laisse, je vais me reposer. J'en peux plus, ça m'a épuisé. Au revoir, Zen.